Cependant, comme l'instituteur passait devant l'église, monsieur le curé en est sorti et l'a arrêté au passage. C'est un très jeune prêtre fort distingué et qui porte des lunettes cerclées d'or. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc. Oui. Oh, ce n'est pas que ce soit très amusant, mais enfin c'est dans le programme. Bien. À cette occasion, vous avez prononcé, et devant des enfants, les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une petite bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas, monsieur? C'est très exactement ce que j'ai dit. Songez-vous à la responsabilité que vous avez prise lorsque vous avez dit « cru d'entendre ». Ah, je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. Comment? J'ai dit que Jeanne d'Arc crut entendre des voix, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait peut-être fort clairement, mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais ma foi non, monsieur le curé, je n'y étais pas. Comment vous n'y étiez pas? En 1431, je n'étais même pas né. Oh, n'essayez pas de vous en tirer par une pirouette, monsieur. Vous n'avez pas le droit, de dire « crut entendre des voix ». Vous n'avez pas le droit de dire un fait historique. Vous devez dire « Jeanne d'Arc entendit des voix ». Oh, mais vous savez qu'il est très dangereux d'affirmer des choses pareilles, même s'il s'agit d'un fait historique. Il me semble me rappeler que lorsque Jeanne d'Arc, devant un tribunal présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, déclara qu'elle avait entendu des voix, ce cochon-là la condamna à être brûlée vive, ce qui fut fait à Rouen, sur une place du marché. Et comme malgré ses voix, elle était combustible, la pauvre bergère en mourut. Réponse et langage bien digne d'un abonné du Petit Provençal. Je vois, monsieur, qu'il n'y a rien à attendre d'un esprit aussi grossier et aussi borné que le vôtre. Je regrette d'avoir engagé cette conversation inutile et qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais osé imaginer, monsieur. Enfin, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais dites-moi, monsieur le curé, vous aussi, vous arrivez de piétiner mes plates-bandes. Comment? Ainsi, vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais. Et qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas trois règnes, mais qu'il y avait quatre règnes. Mais parfaitement, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal et le règne humain, ce qui est scientifiquement démontré. Le scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Vous vous considérez donc comme un animal? Sans aucun doute. Je vous crois trop savant pour ne pas admettre qu'en ce qui vous concerne, vous avez certainement raison. Permettez donc que je me retire sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez être, dites espèce de brigadillo? Je vais dire rétro, Satanas! Va te cacher, pendu! Monsieur le curé entre à grands pas dans le jardin de son presbytère. L'instituteur hausse les épaules et s'en va de son côté.